Yeah. Yo. Uh-huh. Bitch. Yeah. Uh-huh. Wet bird. Wet bird. Mon spot. Spot. Perfect square. Partout dans ton mouillé, juste dans le fond de toi, baby. Les cailles battent à la chienne. Je sais que cette nuit tu seras bien. Mon style va te faire mouiller. C'est clash que tu vas succomber. Biatch!